l'appelle la rébellion des parapluies. Cette révolte qui gronde à Hong Kong contre la tentative de mainmise de Pékin sur les fragiles institutions de l'ancienne colonie britannique. Mais ailleurs, aux marches du gigantesque empire chinois, d'autres protestataires osent contester la toute-puissance de l'État communiste. Au Tibet, bien sûr, où l'on observe toujours des immolations et où le pouvoir central peine à affirmer son autorité malgré une imposante présence policière et militaire. Mais aussi dans une province dont on parle rarement, le Xinjiang, le Turkestan oriental, comme préfère l'appeler la population autochtone, car ce nom fait référence à son origine ethnique et historique. Mais on dit aussi Ouïghouristan, c'est-à-dire le pays des Ouïghours. On verra pourquoi avec Monsieur X. Situé au nord-est, le Xinjiang est un gros morceau de Chine, un sixième de sa superficie, dont presque la moitié est constituée de déserts. Un territoire immense, grand comme trois France, mais qui n'est peuplé que de 20 millions d'habitants, autant dire rien à l'échelle de la Chine. Et pourtant, cette province prend de plus en plus d'importance dans l'actualité chinoise, car on impute aux Ouïghours la plupart des actions terroristes qui sont perpétrées aujourd'hui en Chine, dans le Xinjiang lui-même, mais aussi à l'extérieur, comme ce spectaculaire attentat suicide qui a ensanglanté la place Tiananmen il y a un peu plus d'un an. La suite avec Monsieur X. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Certains Chinois considèrent que le Xinjiang est leur Far West, un territoire neuf qu'il faut conquérir et exploiter. Et où, comme dans le Far West américain, il faut aussi se débarrasser des Indiens, c'est-à-dire des autochtones, ou tout au moins réduire leur influence. Bien sûr, j'exagère. Mais il existe à Pékin, au plus haut sommet de l'État, une inflexible volonté politique d'en finir avec les velléités indépendantistes ou autonomistes des Ouïghours. Et à côté des procédés classiques, c'est-à-dire la répression, le gouvernement central, use d'un outil radical, la colonisation de peuplement. Oui, c'est-à-dire la dilution progressive de la population indigène. C'est ça. Mmh. Et déjà, le poids démographique des Ouïghours a considérablement fondu. Chez eux, ils ne représentent plus que la moitié de la population totale. Il ne fait nul doute que pour Pékin, il s'agit d'un mouvement irrésistible. Alors, bon, vous allez, comme d'habitude, j'imagine, me raconter l'histoire de ce pays méconnu. Mais auparavant, pourquoi Pékin est-il si attaché à la colonisation du Xinjiang ? C'est très simple, et ça tient en quelques chiffres. La province regorge de richesses naturelles. Ses réserves de pétrole sont estimées à 160 milliards de barils, un peu plus de la moitié des réserves du premier producteur mondial, l'Arabie Saoudite. Et ça représente 30% des gisements pétrolifères de la Chine. Mais il faut aussi évoquer le gaz, un tiers des réserves chinoises. Alors, vous comprenez mieux. Et Pékin considère que ces richesses lui sont indispensables. Bien entendu. Mmh. Et en regard de ce pactole énergétique, les revendications identitaires des Ouïghours pèsent bien peu. Alors, pour commencer, un mot de géographie. Ah, vous voyez, vous y venez. Le Xinjiang, qui n'a été cartographié qu'à l'orée du dernier siècle, est une vaste région bordée de montagnes, englobant des déserts, des steppes et des chapelets d'oasis. Autre donnée importante, sa position stratégique. Situé sur la légendaire route de la soie, il a comme voisins la Mongolie, la Russie, l'Afghanistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Pakistan, l'Inde et au sud, le Tibet et bien sûr à l'est, la Chine. Ouais, et qu'il l'a donc phagocyté. Et depuis quand alors ? Le Turkestan oriental, ainsi que l'appellent ses habitants historiques, a d'abord été peuplé par des tribus turcophones venues de Mongolie à partir du 9e siècle. Elles se sont installées dans les oasis et ont fondé le royaume des Ouïghours. Il existe alors dans ces populations une vraie mosaïque religieuse. À côté des bouddhistes, il y a par exemple des chrétiens nestoriens ou manichéistes. Mais peu à peu, sous l'influence de Turcs venus de l'Ouest, tous se convertissent à l'islam, tandis qu'ils conquièrent les royaumes voisins. Toutefois, au milieu du XVIIIe siècle, ils tombent eux-mêmes sous le joug de la dynastie Manchu Qing, qui règne alors sur la Chine. Alors, on assiste à un début de colonisation ? Oui, on commence à voir affluer des Han. Ouais, les Han sont l'ethnie majoritaire en Chine. Comment ça se passe alors ? On observe de nombreuses insurrections, mais l'Empire chinois s'affaiblit de plus en plus sous les coups de boutoir des Occidentaux qui, tout au long du XIXe siècle, entendent le dépecer. Oui, il s'agit des guerres de l'opium. Il faut aussi tenir compte des ingérences extérieures. C'est l'époque où Russes et Britanniques s'affrontent en Asie centrale. Ouais, ce qu'on a appelé le grand jeu. Et ça rejaillit forcément sur le Turkestan oriental où se sont multipliées insurrections et révoltes. Cependant, l'Empire chinois tente de reprendre la main et décide ni plus ni moins l'annexion de la région qui devient désormais une province chinoise à la fin du siècle et prend le nom de Xinjiang. Ce qui veut dire « nouvelle frontière ». Encore une comparaison avec le Far West. Dès lors, le Xinjiang n'est plus une marche de l'Empire, mais une partie inaliénable de la Chine. Et déjà, on envisage un processus d'intégration et d'assimilation afin de renforcer la souveraineté chinoise. Et le pouvoir central dissout les systèmes administratifs indigènes et les remplace par un fonctionnariat essentiellement recruté parmi les Han. Ouais. Est-ce que ça change fondamentalement la situation du Xinjiang ? Pas vraiment, non. Les habitants, en raison de leur culture et de leur religion, se sentent toujours plus proches des populations turcophones de l'Asie centrale, dont ils partagent les mêmes traditions. Pour simplifier, ils ont encore le sentiment d'appartenir au monde des steppes. Ouais. Et quand la dynastie Qing s'écroule ? Le territoire passe alors sous le contrôle successif de trois seigneurs de guerre chinois, ce qui conduit les Ouïghours à se révolter à plusieurs reprises. Il existe donc déjà là, un fort sentiment nationaliste. Oui, qui se structure sur fond d'identité religieuse. Islamique. Anticolonialiste et panturquiste. Mais après la révolution soviétique de 1917, on va voir aussi émerger une mouvance socialiste laïque. Et chacune de ces tendances va être à l'origine de deux brèves tentatives de création d'un Xinjiang indépendant. Entre 1933 et 1934, on assiste d'abord à la naissance d'une république islamique du Turkestan oriental dans le sud du pays. Puis au nord, territoire frontalier de l'URSS, sera créée la République du Turkestan oriental, une entité pro-soviétique qui existera entre 1944 et 1949. 1949, l'année de la victoire des maoïstes. Oui, hein. Qui s'empresseront dès leur arrivée au pouvoir d'arrimer fermement le Xinjiang au reste de la Chine, ne serait-ce que pour éviter une déstabilisation sur les flancs occidentaux de la République populaire. Ouais. Alors, plus question d'indépendance. Non, le mot d'ordre est intégration. Et le Xinjiang va subir de plein fouet la révolution culturelle. D'abord parce que ses effets vont être encore plus excessifs que dans le reste de l'Empire, mais aussi parce qu'on va y envoyer nombre d'intellectuels destinés à être rééduqués au contact des populations rurales. Ici, une parenthèse. On recommence alors à parler des Ouïghours, un vocable qui avait été abandonné au cours des siècles. Pourquoi y revient-on ? Parce que les communistes chinois, à l'instar de leurs grands frères soviétiques, éprouvent le besoin de classer leur population en termes de nationalité. Ça a été le cas pour tous les peuples des républiques soviétiques d'Asie centrale. Et même pour les juifs, hein, classés en tant que tels. Ça apparaissait même sur leur papier d'identité. Ah, ils étaient donc de nationalité juive. Oui, eh bien les Chinois maoïstes ont imité les soviétiques et ont ressuscité le mot Ouïghour, la nationalité des peuples autochtones du Xinjiang. Ouais. Est-ce qu'il y a dessous, là, une acception péjorative ? Bah, on ne peut pas l'exclure. Mais Ouïghour, c'est quand même mieux que Shantou, qui désignait tous les musulmans vivant en Chine. Ouais, Shantou. Oui, ça veut dire enturbané. Et c'était franchement raciste. Mais je poursuis. En même temps que la révolution culturelle, on assiste à une première et forte vague de colonisation. Par Léon. Bien sûr. Mmh. Le fer de lance de cette entreprise, c'est une nouvelle création. Les corps de production et de construction du Xinjiang. Des organismes qui sont chargés du développement économique et urbanistique de la province. J'y reviens dans un instant. La province, en principe, bénéficie d'un statut d'autonomie. Ouais, un trompe-l'œil. Incontestablement. Ouais. Ce statut ne sera jamais respecté par Pékin. Alors, les grandes lignes de l'évolution du Xinjiang. Après les excès de la révolution culturelle, on observe une relative ouverture politique sous la férule de Deng Xiaoping. Ouais, Deng qui est lui-même un rescapé de la révolution culturelle. Et, hein. Et ça dure jusqu'au mi-temps des années 80. Cette période s'accompagne aussi d'un réel essor économique du Xinjiang. Et cette ouverture, alors, va-t-elle de pair avec un apaisement politique ? Oui, seuls les étudiants manifestent. Mais bientôt, ça va changer. Essentiellement à cause du contexte régional, je vous explique. À la fin des années 80, les Moudjahidines afghans parviennent à chasser les soviétiques d'Afghanistan. Puis tout de suite après, les républiques d'Asie centrale obtiennent leur indépendance à la faveur de l'implosion de l'URSS. Et on y observe une poussée des mouvements islamistes. Ouais. Ah oui, et ça inquiète le pouvoir chinois qui craint un effet de contagion au Xinjiang. Et une déstabilisation. Pékin va donc renforcer son contrôle sur la province et ça conduit presque automatiquement à une accentuation de la répression et donc de la violence dont le paroxysme sera atteint en 1997. Mais avant d'en arriver là, je vous propose un retour en arrière afin de voir concrètement comment Pékin a fait en sorte d'accentuer sa mainmise sur sa province occidentale. Une mainmise impitoyable qui va exacerber progressivement le sentiment national des Ouïghours. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Rémi Castet est le grand spécialiste français du Xinjiang. Dans une étude du CERI de 2004, il fournit l'analyse suivante. Le régime chinois se pose comme le garant de l'intégrité d'un territoire indivisible, inaliénable et éternel. L'intégration du Xinjiang à l'État-nation est une priorité du régime chinois qui ne peut souffrir aucune remise en question. Cette dynamique a pris dans les faits au Xinjiang la forme d'une intégration politique, juridique, économique, démographique, sociale, culturelle, croissante avec la Chine. Les Ouïghours ont le sentiment d'appartenir à un monde culturel très différent de celui des Chinois. Et ce processus d'intégration qui implique une sinisation croissante est perçu comme un processus d'acculturation s'attaquant au fondement même de l'identité ouïghour. Je vous l'ai dit, l'instrument de la colonisation chinoise au Xinjiang, c'est la création en 1954 des corps de production et de construction du Xinjiang. En chinois, les Bingtuan. À l'origine, ce sont des corps de paysans, soldats, envoyés par dizaines de milliers dans ce lointain Xinjiang pour l'ouvrir au développement. Des paysans soldats, dites-vous. Oui, hein, oui, il s'agit des anciens soldats de la guerre civile qui ont été démobilisés. Des pionniers, en somme. Tout à fait ça. Suivons plus tard, durant toute la révolution culturelle, les jeunes gens qui ont été déportés à la campagne. À tous, il est donc demandé de participer à l'exploitation des richesses naturelles de cette région quasi vierge. Détail essentiel, ces corps de production et de construction sont missionnés directement par le pouvoir central. Et ne dépendent donc pas des pouvoirs locaux. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais ça ne concerne pas seulement l'économie. Il s'agit aussi clairement de contrôler militairement ces zones stratégiques et d'en profiter pour isoler les foyers de populations indigènes. Autre caractéristique importante, ces Bingtuan disposent d'un pouvoir presque absolu. Ils font partie d'une institution tentaculaire qui dispose de son propre système judiciaire et de ses propres universités, et dont les multiples activités vont de la gestion des prisons et des camps de travail. Les laogai, hein, c'est l'équivalent chinois du goulag. Hein. Et leur compétence s'étend jusqu'aux immenses fermes d'État en passant par les entreprises industrielles et commerciales. C'est si vrai qu'ils seront aussi à l'origine de la création de nombreuses cités du Xinjiang. Ouais. C'est Bingtuan, là, c'est... forment donc un État dans l'État. Mais chargés spécifiquement du Xinjiang. Ils seront néanmoins dissous en 1975 par Deng Xiaoping, mais recréés 6 ans plus tard par le même Deng. Ah bon, et pourquoi alors? Parce que l'heure est maintenant à la libéralisation économique. Ils vont leur regrouper presque 200 fermes et plus de 500 entreprises dispersées dans toute la province. Certaines d'entre elles seront même cotées en bourse. On a alors affaire à une sorte de trust. Oui, qui ne cessera de croître. En 2004, il comptait déjà 2 millions de membres. Est-ce que les Ouïghours peuvent en faire partie? En principe, oui. Mais dans les faits, leurs membres sont des Han à 90%. Ouais. Ces corps de production et de construction sont donc l'instrument principal de la colonisation du Xinjiang. C'est ce que je voulais dire. Leurs membres sont investis d'une mission quasi-patriotique, car ils jouent un grand rôle dans la protection des frontières et la surveillance des citoyens. Ouais. Donc précédemment, quand vous me disiez que l'autonomie n'était qu'apparence... Bien sûr, son seul bénéfice est pour les Ouïghours de pouvoir encore utiliser leur langue dans l'enseignement, la presse et l'édition. Mais pour combien de temps? Car Pékin vise à éliminer systématiquement tous les signes d'appartenance ethnique. C'est une uniformisation à la chinoise. Oui, c'est à peu près ça. Autre élément qui a accru le ressentiment des populations autochtones, leur pays a aussi servi de zone d'essai nucléaire. Oui, j'imagine dans les zones désertiques. Sur le site de Lop Nor, au sud-est du Xinjiang. Naturellement, ces essais de bombes atomiques se sont déroulés dans un secret absolu. Il est par conséquent impossible de savoir si ces explosions atmosphériques ont ou non généré des dégâts parmi les populations locales. Le secret défense. Et interdiction d'en parler. Mais je poursuis le tableau. Il faut quand même reconnaître que cette politique volontariste s'est traduite par des résultats. Mais des résultats contrastés, vous allez le constater. En 2000, le pouvoir a lancé un grand programme, le plan de développement du Grand Ouest. Ce Grand Ouest dont fait bien sûr partie le Xinjiang. Hein. Il s'agissait de réduire les différences de développement entre l'Est et l'Ouest du pays. Et aussi les écarts de niveau de vie qui vont avec. Le premier effort visible, porte sur les transports. Il est décidé de construire une ligne de chemin de fer reliant les principales villes du Xinjiang à Pékin. Ouais, mais le rail, ça sert aussi à transporter plus rapidement des troupes. Non, écoutez, pas de mauvais esprit. En tout cas, les initiatives du pouvoir central en matière d'infrastructure se multiplient. Aides financières, subventions fiscales, dotations aux entreprises d'État, etc. Et ça donne assez vite des résultats. La région qui était autrefois parmi les plus pauvres de la Chine devient en 2004 la province du Grand Ouest chinois qui dispose du PIB par habitant le plus élevé. Ouais, je ne suis pas économiste, mais enfin je sais que ces augmentations de PIB là, peuvent aussi cacher de réelles disparités. Vous avez raison. Et c'est le cas au Xinjiang, où ce sont rarement les populations locales qui bénéficient de ce grand bond en avant, pour reprendre une expression de Mao. Je vous passe les chiffres, mais enfin la conséquence, c'est que les inégalités économiques se creusent entre le nord, où sont regroupés le plus grand nombre de colons, et le sud, où se concentrent les trois quarts de la population ouïghour. Celle-ci a même un niveau de revenu inférieur au seuil de pauvreté chinois. Mais ce ne sont pas les seules inégalités. Quoi d'autre encore ? Le système éducatif. Et c'est très simple à comprendre. Dorénavant, l'enseignement s'effectue principalement en mandarin, une langue étrangère pour les Ouïghours, et qu'ils maîtrisent mal. Or, la pratique du mandarin est indispensable pour accéder au poste de responsabilité. Donc les jeunes Ouïghours en sont exclus. Oui, à moins qu'ils n'adoptent la langue du colonisateur. Et d'ailleurs, peu à peu, les écoles ouïghours disparaissent. La seule langue d'éducation autorisée, c'est le mandarin. Et ça, ça fait partie du plan de sinisation de la province. Et de la déculturation qui l'accompagne. S'y ajoute une autre inégalité beaucoup plus sournoise, une réelle discrimination sur le marché de l'emploi. Dans les entreprises privées créées par les colons Han, on embauche en priorité des Han. Ouais, et on laisse de côté les demandeurs d'emploi ouïghours. Bien sûr. Donc, pour toutes ces raisons, le spectaculaire progrès économique de la région profite prioritairement aux colons Han. Et derrière cette politique, il y a la conviction des autorités de Pékin que c'est la prospérité économique qui, finalement, viendra à bout de l'agitation et des revendications nationalistes des Ouïghours. Ouais. D'autant que, si la colonisation de peuplement continue, les autochtones seront bientôt des étrangers chez eux. Aussi, à chaque fois qu'un soubresaut nationaliste secoue la région, Pékin sort de sa poche un nouveau plan de relance de l'économie du Xinjiang, qui doit devenir à terme le principal centre commercial et industriel de l'Ouest chinois. Et à cause de sa position géographique. Oui, oui, c'est par là que transitent les exportations croissantes de produits chinois vers l'Asie centrale. Mais c'est aussi le point de passage des importations d'hydrocarbures. Ouais, du pétrole et du gaz extraits des pays d'Asie centrale. Et déjà inauguré, à la mi-décembre 2009, un gazoduc trans-Asie centrale, long de près de 2000 km, achemine le gaz turkmène via l'Ouzbékistan et le Kazakhstan jusqu'au Xinjiang. Et de là, il est connecté au réseau chinois pour rejoindre Shanghai à plus de 4000 km à l'est. Et bien ça, c'est une raison supplémentaire de l'intérêt de Pékin pour le Xinjiang. Hein. Ouais, car il y transite aujourd'hui la moitié de la consommation de gaz de la Chine. Et il est déjà prévu la construction d'un autre oléoduc qui reliera les champs pétrolifères de la lointaine mer Caspienne au Xinjiang. En outre, Pékin a déjà en vue l'édification d'un véritable corridor économique entre la Chine et le Pakistan. Mais passant encore une fois par le Xinjiang. Ah bah la géographie l'impose. En fait, au-delà de la question même du Xinjiang, il y a une ferme volonté du nouvel homme fort de Pékin, Xi Jinping. En établissant de nouvelles routes commerciales dans quasiment toutes les directions possibles au-delà des frontières, il veut accroître son influence sur ses partenaires commerciaux, les républiques d'Asie centrale. Et en même temps, en renforçant cette coopération, le président chinois entend prévenir les actes terroristes. Oui, car il existe aussi dans ces pays d'Asie centrale des foyers d'agitation. Et qui pourraient bien inspirer les dissidents du Xinjiang, ou même leur donner un coup de main au nom de la solidarité islamique. Car il ne faut pas oublier que les citoyens de ces républiques sont aussi des turcophones. Oui, comme les autochtones du Xinjiang. D'où la crainte de Xi Jinping, qui considère que le danger pourrait venir de l'Ouest. Surtout depuis que les troupes de l'OTAN ont entrepris de se retirer d'Afghanistan. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Quels sont les réels objectifs de Pékin dans ses rapports avec les républiques d'Asie centrale? Alice Ekman, chercheuse à l'IFRI, répond dans un très récent numéro de Politique étrangère. Cette politique de voisinage répond à des considérations de politique intérieure et de sécurité. Renforcer les relations avec le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, trois pays voisins de la province instable du Xinjiang, est primordial pour Pékin, à la fois pour des raisons économiques, le Xinjiang demeure une province relativement pauvre, de politique intérieure, Pékin considère depuis longtemps qu'assurer la croissance de la province est une précondition au maintien de l'harmonie sociale, et de sécurité. Le gouvernement chinois espère renforcer la coopération avec l'Asie centrale et la Russie afin de prévenir les actes terroristes en forte augmentation sur le territoire chinois cette année. Par ailleurs, l'Asie centrale et l'Asie du Sud sont des zones que Pékin suit avec une attention particulière du fait des évolutions des enjeux de sécurité aux frontières occidentales de la Chine et en particulier du retrait des troupes de l'OTAN d'Afghanistan en 2014. Vous l'avez sans doute compris, l'une des questions les plus importantes du Xinjiang, c'est l'islam et son instrumentalisation. Expliquez alors. La religion est assurément un facteur d'unité pour les populations autochtones de la province. Parce que face au bulldozer chinois qui veut à tout prix extirper tous les aspects identitaires chez les Ouïghours, les habitants ont tendance à se rassembler autour de leur religion. L'islam fédérateur. Oui, et même les Ouïghours qui s'étaient détachés de la religion y reviennent, car c'est une façon d'affirmer leur identité. Et c'est un mouvement qui ne déplaît pas forcément aux autorités chinoises. Pour quelle raison? Parce que, pour simplifier, bien sûr, l'islam a aujourd'hui mauvaise presse et qu'il inquiète. Pour Pékin, il est donc de bonne guerre d'assimiler la cause ouïghour à celle de l'islamisme. Afin de la discréditer. En effet, d'autant que la répression produira forcément une radicalisation des islamistes. Mais j'en reviendrai sur ce point essentiel. Alors, après vous avoir détaillé le programme de colonisation chinois au Xinjiang et ses effets dévastateurs pour les Ouïghours, reprenons la chronologie. Je vous l'ai dit, sous Deng Xiaoping, et grâce à sa politique de réforme, on observe une légère détente. Ah, vous avez même parlé d'ouverture. Et à la fin des années 70, la communauté ouïghour en profite pour redonner des couleurs à sa culture, trop longtemps étouffée par le colonisateur Han. Cependant, on ne peut pas retourner à ses racines sans déboucher aussi sur une réflexion politique, c'est-à-dire d'abord une prise de conscience nationale et ensuite des revendications. Et quelle forme cela prend-il? Les étudiants, qui sont bien souvent en première ligne dès qu'il s'agit de relayer les protestations, organisent des manifestations dans toutes les grandes villes de la région où ils affirment d'abord bruyamment leur attachement à la turcophonie. Et quelles sont leurs autres revendications? Ils réclament la tenue d'élections libres, l'arrêt des essais nucléaires, le respect du statut d'autonomie du Xinjiang et enfin, ce qui les concerne en premier chef, une amélioration du système éducatif pour les minorités. Et là, je fais une brève parenthèse. Il est vrai que j'ai évoqué dans cet entretien en priorité la question ouïghour. Mais il existe aussi au Xinjiang d'autres communautés ethniques. Des Kazakhs, des Kirghizes, des Mongols, des Tadjiks, des Ouzbeks et aussi des Russes. Mais en moindre nombre que les Ouïghours. Bien moins. Alors, je continue. Attendez, face à ces manifestations-là, quelles sont les réactions du pouvoir? Ces mouvements sont naturellement aussitôt sanctionnés par les autorités locales, mais modérément. Toutefois, ça ne pourra pas durer très longtemps, car les événements de Tiananmen en 1989 vont alimenter la fièvre contestatrice au Xinjiang. Et du même coup, il en sera fini de la période d'ouverture initiée par Deng. Et Deng qui a été aussi le maître d'œuvre de la répression sanglante de la place Tiananmen. Et à la faveur de la reprise en main qui suit, tout espoir de dialogue s'évanouit. En ce début des années 90, la lutte contre le séparatisme ouïghour devient même une priorité tant à l'intérieur du territoire chinois qu'à l'extérieur. À l'extérieur? Oui, parce que Pékin craint l'influence de l'islam radical sur la jeunesse étudiante ouïghour. En effet, jusque-là, la religion pratiquée au Xinjiang est traditionnellement plutôt tolérante et inspirée par l'école hanafite. Hanafite, c'est-à-dire ? Les hanafites sont proches des soufis. Leur rite est fortement représenté chez les musulmans non arabophones. C'est même la principale école de l'islam depuis l'époque de la dynastie des Omeyyades. Donc, on trouve des hanafites en Turquie et plus généralement dans tous les pays asiatiques à l'est de l'Iran. Mais progressivement, cet islam tranquille est battu en brèche par le salafisme et le wahhabisme. Oui, des tendances fondamentalistes. Qui prônent une lecture littérale des textes sacrés et même un retour à la prétendue pureté originelle de l'islam. Et cette orthodoxie séduit de plus en plus les jeunes gens, d'où l'inquiétude de Pékin. Car les jeunes Ouïghours peuvent subir l'influence de ces nouveaux gourous intégristes. D'abord dans les républiques voisines du Kazakhstan et du Kirghizistan, où les autorités permettent aux exilés Ouïghours de se rassembler librement et de créer des associations communautaires. Mais c'est surtout les marges pakistano-afghanes qui font peur aux autorités chinoises. Ouais, là où se situent les islamistes les plus radicaux. Bien entendu. Or, les services de sécurité, qui sont omniprésents au Xinjiang, ont fait des observations préoccupantes. Des étudiants ouïghours, après avoir séjourné dans les madrassas de ces contrées, ont joui à leur retour d'une grande popularité auprès de leurs camarades restés au pays. Ouais. Les madrassas, il faut le rappeler, sont des écoles coraniques où l'on forme des talibs. C'est-à-dire des étudiants. Ouais. Et ont-ils été nombreux à partir dans ces madrassas ? Non. Mais il n'empêche que ces wahhabites, malgré leur petit nombre, ont contribué à faire évoluer les pratiques et représentations religieuses de la jeunesse dans certaines zones du Xinjiang. C'est-à-dire une évolution là, vers le radicalisme. Et même le djihadisme. Ça a conduit les autorités de Pékin à instaurer, à partir de 1988, une législation contrôlant strictement les activités religieuses au Xinjiang. Mais est-ce que ça suffit, là, à juguler la propagation de cette idéologie radicale ? Bien sûr que non, car ces mouvements de résistance, tant religieuse que politique, basculent dans la clandestinité. C'est le cas d'une organisation qui prend le nom de Parti islamique du Turkestan oriental, acronyme PITO, qui se donne pour tâche d'infiltrer la société ouïghour afin de provoquer un soulèvement armé de masse. C'est réaliste ? Absolument pas. En avril 1990, le PITO tente de lancer le djihad à Kashgar, une ville symbolique qu'on appelle aussi la Tombouctou d'Asie centrale. Ah ouais. Oui, un haut lieu de la culture ouïghour. Et une ville mythique qui a inspiré un Kipling, par exemple. Une ville aussi qui est encore aujourd'hui, à la différence de la capitale Urumqi, peuplée majoritairement de citoyens ouïghours. Mais ce soulèvement, qui provoquera quand même une soixantaine de morts, est mal préparé. Et les Chinois n'ont aucun mal à en venir à bout. C'est un échec. Et ça conduit les services de sécurité à démanteler assez facilement le PITO et à placer ses membres sous les verrous dans des camps. En même temps, les autorités ont encore renforcé le système sécuritaire et réglementaire pour éradiquer toute velléité subversive de la part des Ouïghours. Ce que vient confirmer en personne le président Jiang Zemin, qui effectue la même année une visite au Xinjiang. Cependant, ça ne suffit pas à faire cesser toute agitation. Les réseaux se reconstituent ? Oui, essentiellement avec des talibs ouïghours de retour du Pakistan. Parmi eux se trouve un certain Hassan Maksoum, qui a déjà fait plusieurs séjours. À partir des zones tribales afghano-pakistanaises, il crée une nouvelle structure, le MITO, Mouvement islamique du Turkestan oriental. Et là-bas, se liant avec un commandant taliban pakistanais, Al-Haqqani, il noue des rapports avec des représentants d'Al-Qaïda. Ce Maksoum obtient ainsi que son organisation rejoigne la nébuleuse terroriste. Et encore une structure franchisée d'Al-Qaïda. Hein. Exactement. Ça permet aux MITO d'installer des camps d'entraînement en Afghanistan et de se rapprocher parallèlement du MOI, le mouvement islamique d'Ouzbékistan. Ouais. Pour autant, alors est-ce qu'au Xinjiang même, Maksoum parvient à recruter ? Ça lui est très difficile, non seulement à cause du quadrillage policier mis en place par Pékin, mais aussi parce que sa dérive radicale suscite une grande méfiance chez les nationalistes locaux qui ne sont nullement prêts à s'engager dans le djihadisme international. Quoi qu'il en soit, la tension monte au Xinjiang, à cause de la brutalité des mesures répressives, mais aussi parce que de plus en plus fréquemment, des heurts violents opposent Han et Ouïghours. Et bien souvent, on est à deux doigts de l'insurrection, comme à l'été 1993 ou encore en 1995. Mais le vrai tournant se produit l'année suivante. Alors, que se passe-t-il ? Les autorités de Pékin lancent une campagne « Frappez fort contre la criminalité ». Ces mots d'ordre ou slogans m'ont toujours étonné. Enfin, encore que celui-ci ne soit guère poétique. Hein. Mais il y en aura bientôt un autre qui va vous plaire. Le vol du Pan vers l'Ouest. Ah oui, c'est-à-dire quoi ? La colonisation du Xinjiang par les Han ? Évidemment. Alors cette campagne nationale, directement orchestrée par le comité permanent du bureau politique du PC chinois, a ordonné, si c'était encore possible, de donner un nouveau souffle à la lutte contre le nationalisme séparatiste et les activités religieuses illégales. Ça va même si loin qu'il est prévu d'épurer le PC et l'administration locale du Xinjiang, de leurs éléments les moins fiables, de renforcer la propagande contre le séparatisme et d'amener les pays voisins à collaborer avec la Chine dans sa lutte contre la dissidence ouïghour et l'islam radical. Ensuite, il est décidé d'encourager l'afflux de cadres et de colons en. Ouais. Vous avez parlé de tournant, mais enfin, il me semble que c'est la perpétuation de la politique chinoise telle qu'elle est entreprise depuis des années, non ? Certes, mais les forces de sécurité vont désormais disposer de moyens considérables. La conséquence, c'est qu'en 1997, le Xinjiang va s'embraser. La suite avec cette nouvelle flambée de violence la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe et Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Denand qui a lu cet ouvrage. Oui Patrick, celui de la journaliste Sylvie Lasserre qui s'est rendue clandestinement au Xinjiang en octobre 2007. Ça s'appelle « Voyage au pays des Ouïghours » et c'est un beau récit sur un peuple retenu en otage sur ses propres terres, paru en 2010 aux éditions Cartouche. Eh bien, bravo pour elle et vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr et tout de suite après le flash CO2 « Mon amour » de Denis Chessou.